Salut les amis. Salut Charline. On soit qui là? Michel Pinson. Quoi? Qui ça? Et Monique Pinson-Charlot. Ah oui, bien que ça meuf. Mais ils travaillent toujours ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Ce sont des sociologues de gauche. Ah, normal qu'ils viennent à France Inter. Oui, mais d'accord. Ils sont spécialisés dans l'analyse des riches. Ah oui, c'est pas normal qu'ils viennent à France Inter. Moi j'aime beaucoup les penseurs de gauche en oui, tout cas. Ça, oui, ça, on bah, sait oui. Bien. D'ailleurs, je trouve même que penseurs de droite, c'est une antinomie. Mais Guillaume, il faut que tu admettes que des gens ne pensent pas comme voilà. toi. Non, mais ça, je l'admets. Non, je l'admets, mais je ne comprends pas. Non. Ici, ils venaient en fait ces gens pour nous observer parce qu'ils pensent qu'on est riche. Ah oui, ça pourrait. Ben oui, c'est leur métier, observer. Toi, t'es journaliste, Charline. Ouais. Et ben, tu veux tout comprendre tout le temps. Ben, c'est ça, Guillaume, il est humoriste. Ouais, c'est ça. Donc, dès qu'il y a une connerie à faire, il se sacrifie. C'est comme ça, son métier. Ah, ouais, attendez, faut qu'on se tienne à carreau. Ah, bah, il faut se tenir à carreau, Charline. Donc, pas de bling-bling. Non. Tes manières de bourgeoise, là. Vas-y, que je préfère le café Nespresso que celui de la machine. Mais évidemment, il est meilleur. Il est meilleur, mais c'est bling-bling. Ben voilà, quand tu prends ton fromage cœur de lion à la cantine parce que leur camembert est soi-disant pas bon. Moi, ça me choque. Le cœur de lion, c'est bling-bling. Soluble, il mange du camembert de 6e zone. Oui, j'ai des trous dans l'estomac, oui, mais voilà, je suis pas bling bling. Voilà. Charline, est-ce que t'as compris? Oui, bah oui, je bah oui. Voilà, bah c'est bien. Fais attention. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Oui, écoutez, je voudrais annuler ma commande de champagne grande cuvée. Oui, les 12 caisses, oui. Ah, bah, c'est bien. Ouais, bah c'est oui, le veuf Clicquot, oui, oui. Ah, bah, écoutez, mettez 12 caisses de brut. Hein. Non. Mais non. Bah, oui, du veuf Clicquot quand même, faut pas déconner. Mais non. Je vais le dire à Michel et Monique. Bonjour la France Inter, bonjour les riches, bonjour les pauvres, vous écoutez l'émission qui attache l'actualité au radiateur. Voici les trois informations qui vont avoir un coup de chaud d'ici 18h. François Hollande porte encore une étoile rouge dans le cœur, celle du Red Star, le club de foot de Saint-Ouen, l'anti-bling-bling par excellence. On n'a pas les derniers France Football par hasard que je revisite un peu la profession. Oh, alors la profession maintenant elle est dans Voici et Gala. La Villa Médicis est le fleuron de l'action culturelle française à l'étranger et le fleuron du copinage politique. Voilà qui entache la nomination de Muriel Mayette-Holz. Alors pour sauver la réputation de la Villa Médicis et la femme de Gérard Holz... Mobilisez-vous. On donne des notes aux restaurants, on donne des notes aux hôtels, aux chauffeurs de VTC. On note aussi les journalistes de France Télévisions. Mais ça se fait en cachette. Décidément, vous êtes un maniaque de l'espionnite. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui a mis en place un système minutieux de fichage pour les stagiaires féminines de moins de 25 ans, Alex Vizorek. Bonjour Charline Menelecker, je sens que je dois me sacrifier pour être à droite aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas, je serai là et j'ai autour de la table une équipe, je ne vous dirai pas de quelle couleur ils sont, moi vous risquez de les reconnaître parce que c'est l'équipe originelle. À 17h20, notre jazzman de la chronique, il sait d'où il part, mais après c'est une grande part d'improvisation, si bien que, comme le jazz, je ne m'explique pas toujours pourquoi j'ai aimé, mais j'aime, André Manoukian. Belle définition Alex, bonjour Charline. Et eh ben justement on va parler d'un immense jazzman, il s'appelle Yaron Herman, il joue ce soir, il vient de sortir un album de piano somptueux et je vais en profiter pour parler de son prof et de la pédagogie du jazz et on fera une petite leçon de piano avec Charline si vous permettez. Ah bah dis donc, formidable. À 17h30, quand il était petit, il ennuyait tout le monde dans sa classe et résultat, il était puni. Aujourd'hui, il ennuie tout le monde autour de lui et résultat, les gens le félicitent pour ça. C'est à n'y rien comprendre. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour, je m'en étonne tous les jours effectivement. Bonjour Charline. Je me suis rendu à l'événement Paris Design Week, une semaine consacrée au design. C'est un porte-bouteille ça, ouais? Non, c'est un bougeoir. Ah, je débute en design. Et à 17h40, cet après-midi, dans ma boîte aux lettres à la maison de la radio, j'ai reçu ce livre. Regardez-le, La drague pour les nuls. Je pense donc que dans quelques semaines, il risque fort de se passer quelque chose entre nous. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas elle qui me l'a envoyé. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex, mais c'est celui que vous avez préfacé, il me semble. Je vais pas l'écrire quand même. Non, lui, il a préfacé La drague par le nul. De quoi vous allez nous parler? Eh bien, du livre de nos invités. Ah. Et oui, car aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux référents de la République. L'un est né sous le gouvernement provisoire de Félix Bouin, l'autre sous Pétain. Vous vous rencontrez... C'est une façon de vous dire bienvenue voilà. En fait, dans cette émission. Sentez-vous à l'aise. L'un a collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'autre, c'est pas très clair. Vous vous rencontrez à la fac en 65. C'est l'année où Johnny et Sylvie se marient. Vous écrivez votre premier livre ensemble qui s'intitule « Dans les beaux quartiers » en 89, quand la France inaugure la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille et le Parc Astérix. Vous publiez « Le président des riches », tiens, tiens, de qui s'agit-il, en 2010, l'année où éclate justement l'affaire Bettencourt. Et vous êtes chacun à votre tour, vous êtes... Monique Pinson-Charlot. Et... Michel Passon. On en a deux. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Les Pinson-Charlot, comme on vous appelle happy affectueusement. Happy hour de l'invité. Alors vous publiez « Tentative d'évasion ». Entre parenthèses fiscales, chez Zone Édition. On vous connaît pour avoir écrit et étudié les beaux quartiers, les rallyes, les chasses à cours, les châteaux. Donc des lieux très ancrés physiquement, où vous observez les riches. Ici, c'est l'évasion fiscale, un domaine qui est donc plutôt de l'invisible. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire pour le rendre physique? Tenter de planquer son bas de laine? Ah ben là, on est partis tous les deux, main dans la main. En Suisse, où on a essayé d'ouvrir un compte, enfin on n'y est pas arrivé parce que vraiment on n'était plus du tout à la page. Maintenant on n'ouvre pas un compte avec un nom Pinson-Charlot, parce que tout de suite il y a eu trois bons hommes qui sont sortis de derrière le comptoir pour dire mais qu'est-ce qui arrive, c'était HSBC Private Bank. Il y a des là, il fallait essayer peut-être. Où Hervé Falcani travaillait. Oui. Ah oui. Et puis on a compris que c'était beaucoup plus compliqué, que c'était un système de société écran, de trust, enfin une opacification. Vous n'aviez pas assez opacifié votre... Voilà. Oui. Et donc au fond, tout ce travail qu'on a fait tous les deux, c'est d'essayer de rendre visible l'invisible, de rendre non sacré le secret et de casser la violence symbolique qui est liée à ces chiffres, à cette opacification, à... Il y en a marre, si vous voulez. Oui, vous parlez de viol, c'est une violence invisible aussi. Voilà, c'est la clarté, pour eux, c'est l'enfer. Voilà. Et pour nous, la clarté, c'est pour vos auditeurs, c'est pour nos lecteurs, et puis c'est pour nous deux. On a été contents de comprendre, hein, tous les deux. Michel, vous avez été trop transparent, c'est ça. Donc vous n'avez pas réussi à planquer le bas de laine, c'est ça la conclusion. Le bas de laine. C'est-à-dire que pour votre enquête, c'était la première démarche. C'était d'essayer de, pour comprendre le système, de le pratiquer. C'était de voir comment on pouvait le pratiquer. On avait fait ça déjà en 1995. Parce que nous avons déjà une certaine longévité derrière nous. Sous Chirac. Le maréchal. Oui, le maréchal. Paix au maréchal, paix à ses cendres. Nous nous égarons. On était encore sexygénaire, vas-y, dis-le, continue. Sexygénaire, moi. Non, encore, sexygénaire, j'ai dit. Hein? Sexygénaire. Bah, Michel, suis un peu, Michel, alors. Sexygénaire, pas tous les jours. Pas tous les jours, mais enfin, fréquemment. Donc, pour ce qui est de... Lausanne, en 1995, on ouvre un compte à Lausanne. À Lausanne, en 1995. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout à Genève en 2015-14. C'est d'ailleurs intéressant parce que en 95, on était là, tout jeune et à l'aise, tout ça. On entre, c'était chez UBS cette fois, et on dit pour les comptes un peu discrets à la dame qui était dans, où est-ce qu'on s'adresse? Je vais aller chercher la personne compétente. On entre dans un bureau avec des portes calfeutrées là, pour le bruit, hein, que ça passe pas dehors. Et on est reçu par un monsieur qui nous explique comment... on lui dit, voilà, vous savez, c'est un héritage. Et on va avoir une grosse somme d'argent. Et bon, ça nous embête parce qu'on va être très, très imposé. Comment on pourrait faire? Alors il dit, on va vous ouvrir un compte qui ne sera pas à votre nom. Ce sera un compte avec un chiffre. Numéroté. Et c'est ça, numéroté, qui va être identifié votre compte. Et il nous dit, on peut faire ça très rapidement. pour la suite, si vous avez des demandes à faire par rapport à ce compte, en remettre de l'argent dessus ou en reprendre, bon, surtout, vous n'écrivez pas, vous ne téléphonez pas. Nous avons des correspondants à Paris, puisque vous êtes de la région parisienne, qui feront la transmission de façon très discrète. Alors, on dit, ah, d'accord, c'est très intéressant. Écoutez, on va réfléchir et on reviendra. Bon, mais ce qui était extraordinaire, c'est que le processus était déjà enclenché. On sentait très bien que ça allait marcher. Et par contre, notre aventure en 2014-2015 à Genève, là, à HSBC, c'est autre chose. Ils étaient déjà situation de... Ils se sont perfectionnés. Sur la défensive. Non, ils se sentaient menacés. Il y avait eu l'affaire Falciani. Il y avait eu l'affaire Falciani. Et ils nous ont regardés de travers avec la dégaine qu'on a. Vous n'étiez pas crédible, mais vous l'êtes en tout cas avec votre ouvrage dont on va reparler tout à l'heure, bien sûr. Tentative d'évasion fiscale chez Zone Édition, où vous expliquez aussi que Bercy est complice de tout ce système. Voilà qui est alléchant. Vous allez avoir un petit contrôle fiscal. On l'a déjà eu. Ah, oui, bon, oui, alors, plus d'un, j'imagine. Les livres précédents, on l'a déjà eu. Vous avez le cuir épais pour ça. Nous sommes en compagnie de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot jusqu'à 18h dans Si tu écoutes, j'annule tout. Neville Brothers, vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie des Pinson-Charlot, le duo de sociologues de choc qui publie Tentative d'évasion fiscale chez Zone Édition. On en reparlera tout à l'heure avec votre dulciné. Évidemment, nous qui formons un couple un peu plus, comment dire, orageux que nos invités. Un duo. Clara Dupont-Mono et l'autre couple d'hommes brillants et barbus, André Manoukian et Guillaume Meurice. Et tout de suite, place aux informations, bien sûr. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. Jeannie Le Pen a donné une longue interview à Paris Match. Attention, faites bien la différence entre les deux. Jamie, c'est dans ses pas sorciers. Et Jeannie, c'est dans ses pas loin d'être une sorcière. Quai des Orfèvres, le quatrième violeur est recherché parmi les policiers. Ce qui pose la question, quand on se fait violer par la police, on appelle qui? Et une petite quantité de brèves, mais c'est déjà trop pour ma collègue. Et on commence par l'interview de Jeannie Le Pen à Paris Match. Oui, à propos de Jean-Marie Le Pen, elle déclare « Je ne l'embrasse pas en public ». Ça veut donc dire qu'elle a le courage de l'embrasser en privé. C'est pas faux. Et sur sa belle petite fille Marion, elle dit, ouvrez les guillemets, « Jean-Marie l'a poussée pour les législatives. Il lui a trouvé une circonscription au nord dans le Vaucluse. Je ne dis pas que même une chèvre avec un chapeau aurait pu être élue, mais enfin ». Alors on connaît désormais la stratégie de campagne de Marion Maréchal Le Pen pour les prochaines régionales, s'acheter un chapeau. C'est pas faux. D'un parti à la dérive à un autre, on passe au Vert. Oui, le nouveau parti écologiste fait déjà rêver. Oh, le nouveau parti qui s'appelle écologiste avec un point d'exclamation. Le point d'exclamation, on sent l'énergie, l'envie. Quoi. Oui, il est composé de qui alors? Ça, ça vous fait rêver. François Le Régis, Jean-Vincent Passé, Jean-Luc Benamias, Jean-Michel Lambert. C'est un séisme hein, dans le monde politique puisque les voix des Verts risquent d'être divisées par deux. Au dernier départemental, ils avaient fait 2,03%, ce qui représente des milliers de Français. Donc pour les premiers sondages, apparemment, Michel, Thérèse et Jacques vont continuer à voter Europe Écologie des Verts, tandis que Patrick et Juliette passeront à écologiste, point d'exclamation. Passons au gouvernement, Alex. Oui, réforme du Code du Travail, d'après Manuel Valls, cette mesure donnera, ouvrez les guillemets, plus de souplesse, pas moins de protection, fermez les guillemets. Un slogan repris par la marque de serviettes hygiéniques Always. Effectivement, migrants. Éric Cantona s'est prononcé. On l'écoute. On parle dans les... sur un site oui, qu'on propose d'héberger oui, des réfugiés, seriez-vous prêts à le faire chez vous? Bien sûr. Évidemment, et ce serait bien qu'on soit tous prêts. C'est 65 millions de Français. Mmh. Bon, ça ferait beaucoup de migrants. et j'espère qu'on n'arrivera pas à 65 millions de migrants. Voilà, les réfugiés, eux, ne se disent pas prêts à habiter chez Eric Cantona. Tu quittes pas la série et les bombes pour prendre un grand coup de pied dans ta gueule. Migrants toujours. Robert Ménard détourne une photo en une du journal municipal de Béziers. Le titre ? Ils arrivent. Oui, là encore, tu ne quittes pas la Syrie et les bombes pour t'installer à Béziers, c'est une certitude. On note en tout cas qu'avant, il était reporter sans frontières et que maintenant, il les aime bien, les frontières. On passe à la télé. Vincent Bolloré a annoncé aux nouveaux auteurs des Guignols « Je veux moins de politique et plus de Kim Kardashian ». Mais est-ce qu'il sait que pour les marionnettes, il ne fabrique pas le corps entier ? Il veut aussi traduire les sketchs pour les diffuser en plusieurs langues sur Dailymotion, propriété de Vivendi. Ben oui, mais traduire les blagues, c'est quasi impossible. Ça tombe bien puisqu'il n'y en aura plus. Viol présumé au 36 quai des Orfèvres, une vaste opération de test ADN lancée sur les policiers. Oui, 36 quai des Orfèvres, les enquêteurs cherchent à déterminer à qui appartient la quatrième trace de sperme trouvée sur une victime des viols et les centaines de policiers se soumettent à l'épreuve du prélèvement ADN. Guillaume Meurice est sur place. Il est là. Voilà, oui. La procédure vient de prendre fin car on a enfin trouvé le suspect. Ah, il y a eu un match d'ADN, c'est ça ? Pas tout à fait. Des centaines de policiers faisaient la file afin de se faire prélever un échantillon d'ADN à l'aide d'un coton-tige qu'on frotte à l'intérieur de la joue. Ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Oui, eh bien vous n'êtes pas la seule. Il y a un des policiers qui a commencé à se frotter contre l'infirmière pour donner son ADN de façon un peu plus radicale. Les enquêteurs l'ont mis, bien évidemment, en état d'arrestation. Au moins, ça c'est lui l'état de pas. Ben oui, tant mieux, parce que c'est pas facile de marcher dans ces conditions-là. Science et nature. Oui, le Mont Blanc a perdu 2 cm en 2 ans. 2 cm, ça va. Hein, ouais, si toutes mes ex pouvaient penser comme ça. Culture, Enrico Macias a été hospitalisé d'urgence à la suite d'une violente chute. Oui, on écoute tout de suite sa réaction. Et enfin, un excellent titre de 20 minutes. Il souffrir, c'est tellement beau. Oui, il a beaucoup souffert. Et un titre de 20 minutes, Alex. C'est pas la plus maligne du lot, mais elle m'a fait rire. 20 minutes, le titre, je vous le donne. Elle cachait un pistolet de calibre 22 dans son vagin. C'est radical comme moyen de contraception. Et merci à Thomas Wiesel qui coécrit toute cette semaine oui, le 17h17 et les sketchs avec nous et avec vous Alex Vizorek, Thomas Wiesel, humoriste suisse qui se produit sur scène, allez le voir si vous avez l'occasion. Nous sommes toujours en compagnie des Pinsons Charlot. Oui, c'est un miracle qu'ils soient encore là d'ailleurs. Non, voilà, ils sont restés. Premier sujet avec vous, François Hollande, il s'y connaît en équipe qui gagne, le Red Star de Saint-Ouen. Et sans doute le club de foot qui bat tous les autres sur le plan des valeurs. Hier soir, le président est encore allé se faire tamponner une étoile rouge sur le front. Il est sorti de sa visite en fredonnant l'hymne du club, bien sûr. Alors, vous avez écrit « Le président des riches » en 2010, qui va d'ailleurs au PSG, lui, le président des riches. Celui qui va au Red Star, est-ce qu'il peut se faire passer pour le président des pauvres ? Ou c'est plus compliqué que ça ? Ben, si il veut passer de la rose rouge, c'est-à-dire du Red Star, à l'étoile rouge, nous, on est très bien, on trouve ça très bien et on le soutient. Et on lui souhaite la bienvenue, surtout. On lui souhaite la bienvenue. Chez les pauvres. Il y a comme ça une couche, alors, une couche de com'. Alors, cela dit, quand il était étudiant, il allait de temps en temps supporter le Red Star. Il passait le périphérique, François Hollande. Mais quand même, il y a la volonté de faire le négatif de Nicolas Sarkozy qui va au PSG, dans, la, y a surtout dans ce qu'est le temple du bling-bling, quand même. Il y a surtout une espèce de perversité dans un monde où le foot est quand même totalement... marchandisé, totalement dans l'argent spéculatif. Bon, vouloir insuffler des valeurs républicaines, il a qu'à les insuffler là où il est à l'Élysée, hein. Alors, on parle de sport, mais il y a une notion de palmarès dans le sport. Et dans votre livre « Tentative d'évasion fiscale », vous insistez beaucoup sur la violence symbolique des palmarès. Vous décrivez le bottin mondain, le ouzou, en disant c'est vraiment la matérialisation d'un monde. Soit il y a votre nom, soit il y a pas. C'est l'idée d'en être, d'en faire partie, quoi. Il faut en être. Oui, c'était une question en fait qui. Vous développiez en fait. Voilà. Michel Pinson. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord avec vous-même que c'est vous qui l'avez écrit? Moi, j'ai pas écrit ça. Si, c'est voilà. Toi. Et en plus, je me rappelle. Ça dure 8 ans d'écrire un livre. On était dans un hôtel où on faisait des observations. On avait pris une semaine pour observer les riches qui viennent se confesser place d'Argonne. Et on s'était dit, on va se mettre juste en face du centre de rectification des régulations fiscales. Enfin, je m'embrouille dans les trucs. Mais c'est pas grave, avec nos jumelles. Et on se disait, on va faire de l'observation, observer. En réalité, ça n'a pas été très juteux comme observation. Parce qu'ils envoient leurs avocats. Et je revois Michel dans cette espèce de trouara où on était. C'était un trouara. Je lui ai dit, tu dois écrire sur les palmarès parce qu'on était allés aux anciens de l'ENA et on avait compulsé toute la journée les annuaires sur les palmarès. Et c'est toi qui as écrit ce passage que vient de lire Clara. Mais en tout cas, il y a des palmarès, en particulier à Challenge. Dans Challenge, il y a des grandes fortunes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que tout le monde veut être premier. Et que ces histoires de classement, ben c'est bien finalement pour ce qui est de la compétitivité. Ah oui. Ça remonte la compétitivité. Parce que tout le monde veut être le premier. Quand on est riche, on veut être le plus riche. Moi, je veux dépasser Charles. Ça va être difficile, on est sur le service public. Demandez à Bernard Arnault qui est le premier s'il veut rester premier. Oui, il veut rester premier. Il veut pas du tout quand changer. On est riche, on veut aussi être le premier des riches. Voilà. Autour de cette table, je ne sais pas qui c'est. Peut-être André Manoukian parce qu'il a un gros clavier. Oui, c'est moins richesse. Je ne sais pas si dans l'observation sociale, sociologique, c'est un paramètre qui peut entrer en compte. Ça mais peut. En tout cas, c'est à vous, André Manoukian. Alors, dans le monde des pianistes, eh bien, on est quand même sur la méritologie. Hein. Là, au niveau du palmarès, à un moment donné, il faut transpirer des doigts. Il faut, parce que des gosses qui sont doués pour la musique, il y en a plein, mais dès qu'ils ont la capacité de rester enfermés 8 ou 10 heures par jour derrière un instrument, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est là que l'art du jazz est assez délicat. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une de mes musiques préférées parce que c'est la liberté la plus totale et absolue de balader ses doigts au gré de son inspiration. Oui, on peut faire n'importe quoi. Et c'est ça. Voilà. C'est pour ça que Jean-François Copé joue du jazz. Non, oui, enfin bon. Mais avant d'être libre, je compare souvent, je suis un peu triste Alex, vous m'avez dit que le Mont Blanc a perdu 2 cm et je ne le savais pas. Ben, je compare souvent le pianiste du jazz à un freerider, c'est-à-dire qu'un skieur à un moment donné qui peut aller dans des pentes immaculées, faire des choses absolument vertigineuses. Avant ça, il faut qu'il bouffe du piquet, comme on dit, c'est-à-dire qu'il passe de l'entraînement, qu'il ait ses cuisses et qu'il ait une technique incroyable pour aller dans la liberté absolue. C'est ça la vie du jazzman. Lui s'appelle Yaron Herman et il a commencé très tard. En fait, il a commencé à l'âge de 16 ans. D'habitude, les grands pianistes commencent à 3, 4, 5 ans. Et en fait, il n'était pas destiné à être musicien, il est basketteur. Et il est basketteur dans l'équipe cadet d'Israël, c'est-à-dire qu'il va être un grand basketteur international. Et bim, à un moment donné, à l'entraînement, il y a un gars qui lui fait un truc un peu violent et sa jambe se casse. 6 mois d'immobilisation, et là, il y a tous ses rêves qui s'effondrent, sa carrière qui fout le camp. Rock voisine, pareil. Hein. C'est pareil. Il faisait du hockey sur glace, on lui donne une guitare. C'est con pour... par rapport au hockey, mais là, en tout cas, on y gagne, nous. Parce que par rapport au basket, voilà. Donc, il se dit, qu'est-ce que je peux faire, immobiliser, et tout d'un coup, bah, tiens, je vais faire du piano. Et là, il a de la chance, parce qu'il va rencontrer le bon prof. Parce que être doué pour son instrument, c'est peut-être bien, mais encore, il y a tout un tas de paramètres. Est-ce que vous avez déjà eu des bons profs dont vous vous souvenez, vous, au lycée? Moi, j'en ai eu deux. Mon prof de français, Monsieur Cotte, et Monsieur Andréani, mon prof de physique-chimie. Qu'on embrasse. Voilà, le prof de français, il m'a fait aimer la littérature. J'étais en sixième, pourtant, c'était une phrase de Colette qui disait, si je me souviens bien, les vagues me léchaient les pieds. Et tout d'un coup, il y a de la sensualité, il y a une vague qui lèche. C'est une image. Et qui vous m'a... rendiez des rédactions de 42 pages. Bah oui, voilà déjà. Et vous aimez quand même. Et aujourd'hui, on pourrait plus faire aimer la littérature par la sensualité organique comme ça. Et monsieur Andréani qui disait l'oxydoréduction, il était du sud, c'est comme le riz aux courgettes. Plus il y a de riz, plus c'est basique, plus il y a des courgettes, et plus c'est acide. Le réglage entre l'acide. Bon, 40 Bagnol, ans plus tard, je m'en souviens. Mais au CNRS, c'est tout pareil, n'est-ce pas? Par rapport à l'oxydoréduction. Alors, c'est le même. Là, Yaron Herman, il rencontre un prof qui s'appelle Ofer Breyer. Son premier entretien avec ce prof, il touche pas son piano. Il le regarde comme ça, droit dans les yeux. Et le prof lui pose des questions de temps en temps. Il lui dit, t'as des frères et sœurs? Il dit, ouais, j'ai deux frères. Vous vous battez avec tes frères? Ouais, mais enfin, des questions assez, même à la limite, dérangeantes. Et puis ensuite, il va attaquer, pas par les notes, mais par des chiffres et des combinaisons mathématiques. C'est-à-dire qu'il va aller sur deux points. Il va aller dans un sens mathématique et ludique avec des combinaisons, puisqu'après tout, combien de mélodies on peut faire avec trois notes? On peut en faire six. Combien de mélodies on peut en faire avec quatre? Beaucoup plus. Et avec ces combinaisons, sans avoir une note de solfège et sans pratiquer encore l'instrument, il va déclencher quelque chose chez Yaron qui va être tellement passionnant qu'il va se retrouver immergé dans un monde. On va faire un petit exemple. À vous, Charline, vous me choisissez trois notes sur ce clavier. Dans le désordre, dans le sens qui m'inspire. Dans le désordre, ce que vous voulez, voilà, exactement. Un sol, un ré et un mi. Alors, la SNCF s'excuse pour ce retard, indépendant de sa volonté. C'est vrai qu'il y a un petit côté. On a conçu à jouer. Ça. Alors, sol, ré, mi. Alors, maintenant, si je les répète, je vais mettre un accent sur la première note. Et puis, je vais peut-être commencer à harmoniser cette affaire-là. Bonjour. Vous êtes bien à la caisse d'allocation familiale de Paris. Ne critiquez pas ma création. Votre temps d'attente est de 2 ans. Qu'est-ce que vous faites? Du jazz. Expliquez-nous. Eh bien, je joue avec ces trois notes que m'a donné Charline et simplement, je vais mettre des accords différents. Et avec ça, il faut pas oublier un truc. Si on pense à la cinquième de Beethoven, cette symphonie incroyable, elle est faite avec deux notes. Pom, pom, pom, pom, c'est quoi? Et puis cet accord-là, il va juste le déplacer. Et puis il va le répéter et le transposer. La mélodie à deux notes cyclique, c'est Beethoven qui l'invente. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des mathématiques complètement abstraites, mais on est juste dans un rapport ludique avec la note. On prend quelques notes et après, on essaye toutes les combinaisons avec. Quand je vous regarde, Clara, j'ai envie de tout essayer avec vous, mais je suis pas sûr. Alors, je suis trois notes. Donc, l'idée, c'est d'acquérir la liberté, mais c'est surtout de donner aux enfants le sens du jeu. Parce qu'on dit encore jouer un instrument. Et là, on écoute Yaron Herman tout de suite. La chanson s'appelle Vista. C'est pas une chanson, c'est un instrumental. Thank you. il y a Ron Herrmann. Voilà, donc... qui joue avec Zivravitz, il joue ses piano-batteries, et il joue ce soir à la Grande Halle de la Villette à Paris, les 24 et 25 septembre à Schiltigheim en Alsace, le 10 octobre à Borgerud chez vous en Belgique et le 21 octobre à Toulouse, mais je vous le conseille parce que c'est un mathématicien romantique. Hashtag annule tout, quelqu'un nous demande s'il y a encore grève. Non, c'était André Manoukian qui nous passait. Qui est ce quelqu'un, Alex? C'est Jean-Philippe de Moulin. On le sait. Nous sommes en compagnie de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Le jazz, ça vous parle, ce genre de musique? Là, j'ai trouvé la leçon de jazz super. Remarquable. Et alors, vous allez voir la leçon de comique d'investigation. Guillaume Meurice, je pense que c'est la même famille de pensée, vous allez vous entendre. Oui, alors surtout aujourd'hui, moi, comme tous les jours, je vais tenter de résoudre un problème majeur, en toute décontraction, bien évidemment. Aujourd'hui, problème interne, la maison de la radio, ce bâtiment mythique qui réunit à la fois les passionnés de radio et d'amiante. Oui, en effet, les travaux n'en finissent pas de ne pas s'achever. J'ai donc décidé de prendre les choses en main. Dans un premier temps, je vais m'occuper de la déco et du mobilier. Je me suis donc rendu à l'événement Paris Design Week, la semaine du design à Paris. Et j'ai trouvé plein de choses pour peupler notre intérieur, comme disent les poufs, les décoratrices d'intérieur, pardon. Soyons précis quand même sur les termes. Alors, d'abord, un tapis un petit peu particulier. C'est un tapis, effectivement, qui modifie du lab parce qu'on a donc une série de lattes. C'est un tapis en bois. Ouais, c'est un tapis en bois, effectivement. Et c'est du parquet. Oui, on peut dire que c'est du parquet, effectivement, sauf que bon, on peut le poser sur un parquet en bois ou sur une moquette ou sur du carrelage. Voilà, donc on le posera plutôt nous sur une moquette. J'ai déjà une petite idée de quel bureau. Il y a déjà du bois, ça devrait bien s'accorder. Mais le concept est révolutionnaire, vous avez entendu. Un parquet que l'on peut poser même sur un parquet. Alors, vous allez me dire, attendez, c'est complètement con. Mais parce que vous êtes des gros ringards, c'est pas con du tout. C'est design. Alors, à votre décharge, quand même, des fois, faut dire que c'est pas évident. Par exemple, moi, je suis tombé sur un vase absolument magnifique. Enfin, un vase. Moi, je vous avoue qu'au début, je me suis dit, tiens, un cintre encastré dans un parpaing, c'est plutôt sympa. Mais non, il s'agissait bien d'un vase. Un vase comment ? Un vase qui a été réalisé avec des plaques de fonte et du béton. Donc. Alors, on peut pas mettre beaucoup d'eau dans ce vase, quand même. Non, pas trop d'eau, mais des grandes fleurs. Oui, mais elles vont crever. Il faut l'entretenir. Voilà, effectivement, il faut mettre de l'eau à peu près toutes les 3 minutes, parce qu'ils n'ont pas vraiment prévu de contenant, si vous voulez. Mais c'est intéressant. Faudra penser à employer un arroseur de fleurs à plein temps. Manoukian, tiens, au lieu de pisser dans des violons ou dans des yoruba, c'est une possible reconversion. Allez, on continue, toujours niveau déco. J'ai fait une découverte un peu étrange. Enfin, pardon, pas étrange, design. Qu'est-ce que c'est que ce panda violet ? Eh ben, c'est différentes coloris de pandas qui ont été développés. Et c'est un panda en paille ? C'est en paille, c'est de la paille soudée par rapport à un moule. Et ça peut avoir une multitude de fonctions. On peut faire une maison avec, on peut faire plein de choses. C'est en plus complètement recycling. Une maison en paille ? Pourquoi pas ? Oui, alors pourquoi pas une maison en paille ? Bon, au premier abord, on a plein de réponses à cette question. Parce qu'on n'est pas dans les trois petits cochons, déjà. Parce qu'une maison en paille violette, si on n'est pas Valérie Damido, on trouve ça assez moche, en fait. Mais... on se trompe, c'est pas moche, c'est design. Bon, passons maintenant au côté un petit peu plus fonctionnel, si vous le voulez bien. Il va nous falloir du mobilier. Que diriez-vous d'une petite table basse, ça serait sympa. J'en ai dégoté une, sublime, tout en tôle. À quel prix ? Alors, la table basse en métal, donc indoor-outdoor, est à 4005. Ah oui, quand même. La personne choisit ses couleurs, etc. Donc ça, c'est... Enfin, dans 10 ans, ça sera aussi beau. On est dans le design, on n'est pas dans du... Parce que moi, ma table basse, je l'ai acheté 50€ dans une brocante. Voilà, mais effectivement, on peut. Oui, on peut, mais non, on va pas faire les mesquins. Va pour la table basse à 4500 boules. On la mettra dans le hall quand on recevra Rachida Dati. Ce sera cohérent avec le prix de ses godasses. Ouais, ça sera très bien. On prendra un petit café. Tiens, d'ailleurs, à propos de café, il nous faut des tasses. Ça tombe bien. Cette designeuse en proposait aussi. Les tasses à thé ou à café sont à 25€. Voilà, vous m'en mettrez 2-3 000. Moi, je veux que chaque salarié soit bien. 25€ la tasse, c'est quasiment le même prix qu'un café en terrasse à Paris. Donc, niveau cohérence, vous avez vu, on est bon, on est bien. Alors, on est bien. Encore faut-il que l'on soit bien assis. Alors, vous allez me dire, ah oui, il nous faudra des chaises ou un canapé. Putain, mais vous êtes tellement 2014, quoi. Le canapé, c'est so old. C'est pas design. Écoutez ce que j'ai trouvé. Ça s'appelle une... Bûche board. Des bûches board. Bûche de bois et donc board pour skateboard. Mais c'est une bûche avec des roulettes. C'est ça. Mais alors, d'accord. Mais alors, pourquoi, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça sert pas à rouler comme un skateboard parce que sinon, ça serait. On peut pas se. C'est rond donc on peut pas. On peut pas monter dessus. Mais on peut s'asseoir dessus. Ouais. Et donc, c'est à but d'être dans le salon, dans une pièce intérieure et vous vous asseyez dessus et puis c'est aussi un peu design. Oui, mais ça bouge. Non, enfin ça bouge si on le fait bouger, nous, si on bouge avec. C'est pas très stable. Si, c'est stable. Ah bon? Oui, c'est stable, rond, avec des roulettes. Voilà. Quand t'as un petit peu trop picolé à l'apéro, le truc à roulettes. Ah, ça tangue, je le dis, voilà. Mais on sera bien sur nos petites bûches à roulettes, on sera tranquillou. Alors, vous allez me dire, vous êtes pénible hein, quand même à me dire plein de trucs comme ça, vous allez me dire, on aura mal au cul. Oui, alors peut-être, surtout quand vous allez savoir le prix. 950 euros. Ah oui, c'est un gros budget là. C'est raisonnable par rapport au temps de travail, au ponçage et à... Voilà. Mais est-ce qu'on n'a pas meilleur temps d'aller dans la forêt, de prendre un bout de bois qui traîne et de mettre des roulettes? C'est comme vous voulez. Hein. Voilà, on va plutôt faire comme ça à ce moment-là, hein, parce que je vous cache pas qu'au niveau de l'audiovisuel public, on n'a plus trop de thunes. Quand on enlève le salaire de Tex sur France 2, celui de Julien Lepers sur France 3, celui de Manoukian sur France Inter, il reste vraiment plus grand-chose. Alors bien sûr, c'est un coût important, mais un service public de qualité, ça n'a pas de prix. Merci Guillaume Meurice, le design, qui est aussi l'apanage des riches. Nous sommes en compagnie des Pinsons Charlot. Avec vous, nous allons aborder le deuxième thème de cette émission. Le deuxième thème, c'est la Villa Médicis à Rome. Est-ce qu'elle remplit encore sa mission? Et surtout, est-ce qu'elle ne sert pas de retraite dorée à un ami du pouvoir? La nomination controversée de Muriel Mayette repose ce type de questions, d'autant qu'une pétition circule contre cette nomination. Certains artistes ne veulent pas de Muriel Mayette. Muriel, il faut te trouver des amis qui soient du même niveau que toi. Je vous en prie, ne me jetez pas entre votre cou. Muriel. Oh, Muriel, tu vois pas que tu recommences à nous faire honte? Un extrait du film Muriel. Eh oui, parfait. Alors, la Villa Médicis, c'est une noble institution tricentenaire qui accueille des artistes en résidence. Quant à sa direction, on y arrive généralement directement en parachute. C'est assez spécial, c'est comme ça. C'est typique de la République française du mérite, ça. Monique Pinson-Charlot. C'est oligarchie, vous dis-je. Ah, oui. Et devant l'impossibilité de la candidature de Julie Gayet, à notre avis, il était de bon ton que la place soit réservée à une représentante de la Comédie française. Ah, voilà. C'est joliment dit. Michel Pinson, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur à chaque fois un parachutage quoi à la tête de la Villa Médicis? Il y a eu notamment Frédéric Mitterrand, Georges Marc Benamou, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait? On y sert du thé finalement. Il y a eu Balthus pendant 17 ans. Oui, ça c'est vrai. Oui. Le peintre Balthus. C'est-à-dire qu'il faut toujours remercier. Dans l'oligarchie, on est toujours dans le don et le contre-don. Et donc là, il y a des mérites qui doivent être ben aidez-moi à trouver le mot. C'est pas la République du mérite, c'est la République du service. Service rendu. C'est le même processus que pour d'autres nominations ou dans les ou ministères, bien d'autres, oui, dans bien les cabinets ministériels, etc. Mais c'est la République des copains, quoi. Oui, c'est de la cooptation. C'est-à-dire que ce qu'on reproche à Muriel, c'est... Pardon, Michel, allez-y, oui. Ça a un peu moins de conséquences. Parce que finalement, Médicis, c'est loin. Oui. On ne lui reproche pas, quoi, qu'elle vient du théâtre et donc elle n'est pas capable de juger de l'art. Sa fin de mandat était controversée à la Comédie française. Et le théâtre est la seule discipline qui n'est pas représentée à la Villa Médicis pour l'instant. Peut-être, elle peut l'introduire. Puis Gérard Rolls, quand même. Ami de Manuel Valls, etc., etc. Je vous renvoie aux nombreux articles dans la presse. C'est une longue enquête des Échos ce matin sur le sujet. Je vous y renvoie volontiers. Clara Dupont-Monod, vous vous êtes plongée dans le livre de nos invités. Absolument, puisque c'est l'actualité aujourd'hui. Hein. Votre livre. On voit l'heure qui passe et puis on passe un bon moment, mais notre évasion fiscale, merci. Hein. Elle est quand même là. Attention, parce qu'elle a détesté. Non, pas du tout, c'est complètement faux. N'écoutez pas ce livre. J'ai su qu'elle a aimé notre travail sur la chasse à cour, donc déjà c'est bien. Oui, mais même ce livre-là, il est très très intéressant. Alors je rappelle quand même pour nos auditeurs, j'ai donc en face de moi Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Votre livre s'appelle Tentative d'évasion fiscale, c'est aux éditions Zone, et vous avez percé, je cite, ce mystère. Mystère des opérations financières où peu de cervelle pénètre. Cette phrase, je l'ai prise dans le premier chapitre de L'Argent d'Émile Zola, qui a été publié en 1891. Et 9 ans avant lui, Georges Feydeau avait aussi tenté, je cite, « de peindre la stupéfaction lorsque je vis de quelle façon bizarre, et effrayante même, se faisaient les affaires ». Feydeau a écrit ça dans les mémoires d'un coulissier, et on est en 1882. C'est pour vous dire à quel point l'argent, la haine de l'argent parfois, n'est-ce pas Guillaume Meurice, l'enrichissement, souvent au détriment des lois, est quand même au cœur de toute une vie intellectuelle. Ça inspire autant que ça indigne. Alors vous, vous ne romancez pas, vous laissez ça à Zola et à Feydeau, mais vous enquêtez et surtout, vous racontez l'enquête au lecteur. C'est-à-dire qu'on est dans de la sociologie d'investigation, en quelque sorte. C'est quand même une discipline que vous avez un peu inventée. C'est-à-dire que le lecteur vous suit, alors on est avec vous, on marche, tac, tac, tac, on trotte derrière vous, on est dans le hall d'un palace d'hôtel, dans une vente aux enchères, ou alors on est avec vous quand vous allez ouvrir incognito un compte, comme vous l'avez raconté tout à l'heure, dans une banque suisse pour voir comment ça se passe. Et effectivement, moyennant quoi, le banquier suisse, il n'est pas très aimable, hein, moyennement aimable et un petit peu à cran. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vous êtes sociologue, mais vous revendiquez deux choses, votre ressenti et vos convictions. Quand vous arrivez au Luxembourg, par exemple, vous avez le sentiment, je vous cite, d'un étalage de puissance, ce sont vos mots, vous vous sentez ébahi et perdu, et accessoirement aussi trempé, puisque ce jour-là, il y a des bourrasques de vent chargés de pluie. Vous l'avez toujours fait, c'est livrer vos impressions quand vous marchez notamment dans Colonie, qui est un ghetto du Gotha, donc près de Genève, où, je me souviens de ça, vous étiez entré dans une joaillerie, place Vendôme à Paris. Et votre but, c'était de montrer la violence symbolique chère à Bourdieu, justement, c'est-à-dire que la vendeuse est très polie, très gentille, tout est feutré, tout est merveilleusement confortable, mais on cache ses mains un peu abîmées, mais on a un peu honte du manteau qu'on a sur le dos. Bref, tout vous crie que vous êtes exclu de ce monde. Alors, personnellement, cet inconfort, moi, ne me déplaît pas. Je pense qu'une bague Chaumet vaut bien un peu de violence symbolique, un petit peu. Hein. Meurice, rangez ce gourdin. Et que, après tout, il est de temps en temps normal de se sentir un peu fourmi face à un Van Gogh ou un Van Cleef Van Arpels. Bref, passons. Vos impressions... Ce qui est intéressant, c'est que vous n'hésitez pas aussi à muer vos impressions en conviction. Dans Tentative d'évasion fiscale, vous êtes au Luxembourg et vous racontez que vous aviez préparé un drapeau tout noir à planter à côté des 28 drapeaux des États membres devant le secrétariat du Parlement européen, drapeau noir qui aurait symbolisé les chômeurs en Europe. 25 millions. De la même façon, vous justifiez votre enquête en écrivant « Le cynisme de la cupidité est révoltant, révoltons-nous ». Alors, à ceux qui pourraient s'étonner de ces accents à la Podemos, vous dites que vous rappelez en tout cas que ce sont, je cite, les bourgeoisistes qui qualifient volontiers de militants tout sociologue critique. Ça, c'est pour votre démarche, c'est pour la patte Pinson-Charlot, qui pour le coup est assez intéressante parce qu'elle est complètement inédite dans le paysage dit scientifique sociologique français. Après, il y a le fond. Alors, on va laisser l'auditeur découvrir votre enquête, mais mes respects, mesdames et messieurs, parce que il faut insister sur le travail de fourmi que vous avez fait, passionnant et implacable. On va surtout retenir la complicité de Bercy, qui organise la fraude fiscale plutôt que de la combattre. Et ça, vous le démontrez pièce par pièce, vous démontez même boulon par boulon. On découvre des officines surnommées des verrous à Bercy, l'incroyable impunité dont jouissent les très riches. En fait, chacun se tient par la barbichette et personne n'a intérêt à assainir ce système ultralibéral. Et il y en a un qui finalement légitime votre travail, c'est Thomas Thévenoud. Il avait déclaré, vous lui rendez entre guillemets un peu hommage, il avait déclaré en juin, ça, même vous, Monique, vous, ça vous étouffe, voilà. Il avait déclaré en juin, et vous le rappelez, derrière moi, on cache tout le reste. Les exilés fiscaux ne font l'objet d'aucune poursuite pénale, ils paient les redevances qu'ils doivent à Bercy, et c'est tout. Et vous en concluez, vous écrivez, il valide en une phrase toute notre enquête. Voilà. Rien que pour ce point, Thomas Thévenoud, hein, qu'on embrasse ce soir, ça valait le coup. Je rappelle les références de votre livre, c'est Tentative d'évasion fiscale, c'est paru aux éditions Zone. Alors moi j'embauche Clara. C'est vous qui allez faire la promotion du livre. Et oui, avec une vision également littéraire, de l'objet littéraire en plus de la recherche. Ça fait un petit peu peur quand même, parce que c'est là où on regarde nos puissants, nos institutions, et on les regarde pas pareil après. Hein. Voilà. Est-ce que vous êtes à la littérature scientifique, ce que Élise Lucet est au reportage? Le côté, ça vous parle, cette façon d'enquêter? Ah oui, dans Cache Investigation, par exemple. C'est-à-dire que ce que nous défendons comme idée, ce que nous pensons pour la sociologie, c'est que la sociologie ne peut que tendre à la révolution, d'une certaine façon, sans faire des à des changements absolument nécessaires. Lorsque vous faites de la sociologie de l'éducation, le résultat le plus massif, c'est que les réussites scolaires dépendent de la famille de naissance. Bon. Du quartier où vous naissez. Et c'est, alors, ou bien les prolétaires font des enfants qui sont sous-doués parce qu'ils ont moins de cellules dans le crâne. Bon, ça me paraît pas très sérieux. Les enfants à la naissance sont égaux et la société, par l'intermédiaire de la famille, les rend inégaux. Et donc tout travail sociologique est engagé tout, pour vous. Tout travail sociologique est un travail de révélation de ces inégalités, de ces différences, qui ne sont pas simplement des différences, qui sont des injustices, le fait qu'il y a des injustices, qu'il travaille. C'est même plus que ça, parce que c'est des rapports de classe, c'est-à-dire on est dans la violence. Excusez-moi, ça y est, je me suis. On est dans la violence des riches. On est dans des rapports de classe qui sont. C'est même pas inégaux. C'est une rupture, c'est un fossé, c'est ce qui sépare les 50% des Français qui gagnent moins de 1600 euros, c'est le salaire médian, par rapport à des Michel Combes et tout ça qui partent tranquillement avec 13 ou 14 millions d'euros. L'ex-patron d'Alcatel-Lucent. Voilà, mais je veux dire, c'est incroyable. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment de reprocher à ces gens-là d'être riches? C'est compliqué la frontière qu'il faut tenter de délimiter quand même, parce qu'il y a le côté, c'est pas pareil d'être riche, auquel cas, bon, ben, ça fait partie des inégalités, quelqu'un a plein d'argent, on ne va pas non plus le gronder pour ça. Je dirais, bon. Et, mais on c'est peut surtout, lui demander non, de partager, par exemple. Voilà, c'est là, ce qu'il en fait, là, en fait. Là, ce que nous montrons, c'est qu'il refuse de contribuer au bien commun. C'est que ce sont même, on pourrait dire, dans les conséquences de la fraude fiscale, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc avec ça, on ne peut pas plaisanter. C'est pas un espèce d'ascenseur avec des inégalités du plus au moins. Non, il y a de véritables ruptures, une véritable violence. Je ne sais pas si l'humanité a connu une telle violence que celle que nous vivons aujourd'hui, mais en tout cas, je la trouve extrêmement dure au point que vous voyez, je n'arrive plus à retrouver ma voix. Et pourtant, il va falloir vous la retrouver, ce qu'on... Est-ce que vous acceptez de jouer le sketch de fin de... On oui. prépare un sketch pour les invités, donc je vous donne un rôle. Vous êtes un couple très riche de Neuilly, et vous décidez d'essayer de faire venir un réfugié chez vous, parce que vous voulez aider, et donc nous avons quelqu'un du gouvernement, qui est Guillaume Meurice, qui vient un peu voir si ce sera possible. On y va. Bonjour madame. Si monsieur veut bien me suivre. Oui, vous êtes madame Dugland-Duchesne de la Butte. Non, je suis la bonne. Ah. Merci d'être venu monsieur, entrez. Je vous avoue que j'étais pas sûr d'avoir la bonne adresse, c'est la première fois que je viens dans ce quartier. Vous avez tort, c'est très beau. Oui, mais oui. Vous êtes les premiers à vous annoncer pour accueillir des réfugiés, donc. Ah, parfait. On voulait être les premiers. Ce sera d'un chic. On voulait savoir si c'était possible de le choisir. Mmh. On en a vu deux ou trois où j'étais, qui avaient l'air très sympathiques. Vous avez un catalogue ? Non. Malheureusement, ça se fera en fonction de votre dossier. Vous montrez l'appartement ? Alors, justement, on n'était pas sûr sur l'endroit où le loger. Ah. Parce qu'il a la chambre bleue ou la chambre d'amis. Et on s'est dit, comme ce n'est pas encore un ami, ce serait mieux la bleue. Ouais, mais dans la bleue, il y a une toile de Delacroix avec une femme dénudée. Ouais, mais peut-être aimera-t-il l'art, hein. Pas sûr, ils sont... Ils sont musulmans, non mais vous pouvez le dire, hein. Ils sont musulmans, ouais. Ah, pardon, je croyais que c'était un gros mot. Est-ce que vous savez ce qu'ils mangent? On n'a pas trouvé sur Google. On a tapé, ouvrez les guillemets, régime réfugié, fermez les guillemets, virgule, mais c'était que des conseils pour perdre du poids. Pour perdre du poids, oui. Oui, on sait qu'ils ne mangent pas de porc, mais le sans gluten, c'est halal ? Oui, je crois, oui. Très bien, on transmettra à notre cuisinière. Mais vous savez, il y a aussi des chrétiens, hein. Ah, très bien ça, on en a déjà fait 12, on sait les élever. Tiens, d'ailleurs pour vous, c'est une petite catholique qui a été chassée. Elle arriverait quand ? Parce que le 12, ça nous arrange pas. On dîne chez les Villepin. Eh ben alors le 13, alors c'est parfait. Vous voulez connaître son nom ? Oui, on l'aime déjà. Chazal. Claire Chazal. Merci, vous êtes très bien Michel riche. Pinson et Monique Pinson-Charlot. Merci à vous. Longue cohabitation. Je rappelle le titre de votre livre, Tentative d'évasion fiscale. C'est paru chez Zone Édition. Merci beaucoup à vous. Demain, nous serons en direct de l'Opéra de Nancy. Venez nombreux. Et Guillaume Meurice, lui, sera à Montbéliard et à Vaison-la-Romaine vendredi et samedi. Et donc, on se retrouve demain à Nancy. Merci à tous. Le mot de la fin pour la direction de France Télévisions. Décidément, vous êtes un maniaque de l'espionnite.